5-5. Kiddeuse. Yo. Aïmec. Yeah, yeah, game. DJK. Yo, yo, yo, yo, yo. Joue mon intéressant, histoire d'être convaincant. Un mec bien, pas un fou qui trahira son camp. 20h sur 24, hip hop avec les potes. Représente le cerné et deux derrière les spots. Pas d'escrocs, pas de carottes, juste des gars qui veulent le jackpot. Mec, prends note, appelle-nous, on a l'antidote. Vrai rap, beat plus rim, hit, bombe son bon plomb. Le bon calcul, la bonne mathématique, donc je mérite. À force de formuler la bonne logique, aboutir à ce que tu veux à toute heure. Sans que la vague meure, pour ça, la largeur de l'autre phase. Pesant aussi dans la largeur et quand j'heure. La boîte crânienne, les tympans meurent. À moi, tu peux dire que mon feu pète et que je suis un putain de tueur. Je rigole, buleur, j'aime faire du rosé. Niquer la tendance à n'importe quel MC, toute la nausée. Le bon sérum, c'est série, mais si elle gêne, elle reste les miennes. C'est ça, je crois que tu saches, si tu kiffes, trinque à la tienne. Même à celle des autres, je suis pas égoïste. Si tu me caisses sur 4 mesures, je te l'ego trip. Parce que t'aurais pu me donner plus, et sur ça j'insiste. Et sur ça j'insiste. Yo, yo. Bande volante la zone, c'est comme ça qu'ils font qu'on réussit. Bande volante zone, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la concept, c'est comme ça que ça s'appelle. Donne-moi ça, pas moyen, tu vas tout rincer. La douane, tu connais, j'ai pas dit mon dernier couplet. Bande volante zone, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la concept, c'est comme ça que ça s'appelle. Donne-moi ça, y'a pas moyen, tu vas tout rincer. La douane, tu connais, j'ai pas dit mon dernier couplet. J'défends mon monde, marron, mon cypher rond. Ruine ce qu'ils font, ce qu'ils font. On coupe court et tout s'effondre. Je donnerai pas mon derche, mon rap c'est de la recherche. Trop rush, pas de prix, t'arrives fraîche pour faire yesh. Yo, c'est pas des chiffres, juste la douane volante zone. Et j'instruis, représente pour l'intru, l'intru qui te poursuit. Ici on fond d'achille, mon langage cru, hérétique et cru. Juste mes acolytes, mes accros, ceux avec qui je partage mon micro. Crevard qui crie trop, rap même en intro. L'angle mort fait son entrée, t'as vu le danger de ton rétro. C'était écrit, c'était convenu, aujourd'hui regarde ce qu'on est devenu. La vérité, pas de résistance dans le menu. Et on continue, soutenu par qui tireront dans les hip-hop, on est les bienvenus. Parle-en autour de toi afin de faire des prévus. Douane volante zone. Douane volante zone. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la douzième, les visettes. C'est comme ça que ça s'appelle. Donne-moi ça, y'a pas moyen, tu vas tout rincer. La douane, tu connais, j'ai pas dit mon dernier couplet. Douane volante zone. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la concept, des visettes. C'est comme ça que ça s'appelle. Donne-moi ça, y'a pas moyen, tu vas tout foncer. La douane, tu connais, j'ai pas dit mon dernier couplet. La nouvelle création, je tourne avec effraction. La zone en mission, donne-moi ça ton stock. Ta cargaison, la rafia, c'est la règle. Quand tes frères sont à trois, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec notre G quand tu nous restes plus que ça, j'y crois. C'est la nique et parade, défonce et dis-moi de tension. C'est pas grave, on traumatise en mille phases, c'est sûr, c'est la loi. Une vérité, un micro-climat pour carna. L'honnêteté, conditionnement pour format. Parole par la foi, propage les vraies valeurs, boycott les résas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, que je kiffe tout le monde et les fakes, t'en fais quoi. Douane violente la parole, à ceux qui n'y ont pas le droit. Yo, on doit être volante la zone. Douane violente, douane violente, douane violente, douane volante, douane volante la zone. Divisé, douane volante de 5-5. Douane volante zone, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la concept, divisé, c'est comme ça que ça s'appelle. Donne-moi ça, y'a pas moyen, tu vas tout rincer. La douane, tu connais, j'ai pas dit mon dernier couplet. Douane volante zone, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la concept, divisé, c'est comme ça que ça s'appelle. Donne-moi ça, y'a pas moyen, tu vas tout rincer. La douane, tu connais, j'ai pas dit mon dernier couplet. The moment they'll go.